Lisez le document à haute voix en respectant le rythme du français. Soulignez les syllabes accentuées. Écoutez l'enregistrement pour vérifier vos réponses. Texte 1. En fin de semaine, j'ai déménagé. J'ai dû transporter des tas de choses. Des chaises, des tables, des fauteuils, des étagères, des livres, de la vaisselle, du linge, des outils, des aliments, des tapis, des boîtes, etc. Bref, ça a été le grand événement. À mon avis, c'est bon de déménager de temps en temps, mais pas trop souvent. Texte 2. Prévoir les événements, voilà bien une préoccupation constante de tout gestionnaire. Préciser les objectifs, coordonner les efforts, déterminer les échéanciers, définir ses besoins, identifier ses ressources, réévaluer périodiquement le degré d'atteinte des objectifs, sont là autant de réalités qui font partie de la vie de tous les jours.